السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avions vu la semaine passée le sixième annulatif de l'Islam, qui est le fait de se moquer et de se railler de la religion d'Allah, de ses signes. La personne, à travers cet acte, sort de l'islam, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ensuite, l'auteur du livre a dit « As-sabi'u, as-sihru, wa minhu s-sarfu wal-atf, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ». L'auteur du livre a dit le septième annulatif, la sorcellerie. Et parmi les exemples, as-sarfu, qui pousse à détester quelqu'un, ou al-atfu, qui pousse à aimer quelqu'un. Et nous allons expliquer ce que veut dire as-sarfu ou al-atfu. Il dit ensuite celui qui pratique la sorcellerie ou l'accepte a certes mécru. La preuve de cela est dans le verset de Sourate Al-Baqarah, verset 102. Mais ceux-ci n'enseignaient rien de la sorcellerie à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant ». La sorcellerie dans la langue arabe veut dire toute chose dont la cause est cachée. C'est pour cela que le repas que le jeûneur prend avant le fajr s'appelle as-sahur, car il est à la fin de la nuit et est caché des regards. Quant à son sens religieux, il est défini par certains savants comme étant des incantations, des nœuds sur lesquels on souffle, des talismans, des formulations dans le but de nuire à la personne que l'on ensorcelle. La sorcellerie a un impact sur les cœurs et sur les corps. Elle rend malade, elle peut aussi rendre fou et elle peut aussi tuer. Et bien sûr, ceci si Allah Azza wa Jal l'autorise. Comme il a dit dans le verset de Sourate Al-Baqarah, verset 102, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Nous voyons dans ce verset que la sorcellerie a un impact sur les individus. Il y a en cela une réfutation à Al-Mu'tazila, qui rejette cela. Les gens de la Sunna croient que la sorcellerie a un impact sur les cœurs et sur les corps, et que la sorcellerie ne sort pas de la destinée d'Allah et de sa volonté. Ensuite, la sorcellerie est de plusieurs catégories. Parmi ces catégories, il y a celle dont la personne a recours au diable, au djinn. La personne leur voue des adorations ou leur obéit dans ce que les diables lui demandent d'accomplir, comme le fait d'uriner sur le mushaf de dire certaines paroles comme insulter Allah, insulter le prophète, et bien d'autres demandes que la personne accomplit dans le but de satisfaire les shayatin. Car il faut savoir que les shayatin, les diables, ne travaillent pour une personne qu'après que celle-ci ne les adore et leur obéisse. Cette catégorie de sorcellerie est de la mécréance à travers laquelle la personne sort de la religion, et c'est cette catégorie que l'auteur a citée dans cet épître. Que la personne veuille, à travers cette sorcellerie, rendre malade, tuer ou séparer entre l'homme et sa femme, ou faire aimer un homme à une femme, ou faire aimer une femme à un homme, s'il a recours au diable, alors il a commis du shirk. Il a commis du shirk et sort par cela, ou sort à travers cela de l'islam vers la mécréance. Et ceci en concordance avec le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Man sahara faqad ashraka » « Celui qui commet de la sorcellerie a certes associé. » De même, la pratique, l'enseignement et l'apprentissage de la sorcellerie sont de la mécréance. Au vu du verset 102 de Sourate al-Baqarah, Allahu Azza wa Jal a dit « Mais ceux-ci n'enseignent rien de la sorcellerie à personne » sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » De même, Allah Azza wa Jal a dit à la suite du verset « وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui achète cette science n'aura aucune part dans l'au-delà. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. Sourate al-Baqarah, verset 102. Ici, Allah Azza wa Jal a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie n'ont aucune part dans l'au-delà. Et les savants ont expliqué cela en disant que celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, ou seul le mécréant, n'a aucune part dans l'au-delà. Nous comprenons de cela que la personne qui pratique la sorcellerie est mécréante. Le cheikh Saleh al-Shir, hafizahullah ta'ala, a dit concernant ce verset dans son explication de Fathul Majid, il n'a aucune part dans l'au-delà car il a acheté la sorcellerie. Et lors d'un achat, on prend quelque chose et on donne une autre chose en retour et en échange. Et ici, il achète la sorcellerie avec son tawhid et sa foi. Fin de citation. Parmi les preuves qui montrent la dangerosité et la gravité de la sorcellerie, il y a le hadith de Abi Huraira, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ijtanibu sab' al-mubiqat » قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Il dit dans le sens du hadith, éloignez-vous des sept péchés destructeurs qui anéantissent. Ils dirent, quels sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit, l'association à Allah, le polythéisme, la sorcellerie, tuer une âme sans droit, manger les biens de l'orphelin, fuir le jour du combat et calomnier les femmes chastes, croyantes et insouciantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la sorcellerie indépendamment du polythéisme pour montrer la gravité de la sorcellerie, qui est une catégorie du polythéisme. Ensuite, l'auteur du livre a mentionné certaines catégories de sorcellerie. Il a dit « fait partie de la sorcellerie as-sarfu ». As-sarfu, c'est le fait de détourner une personne ou un homme de sa femme ou une femme de son époux, ou de détourner une personne qui veut faire du bien. Il a ensuite cité « al-atfu », qui est le fait de faire aimer une femme à un homme, ou inversement, de manière anormale à travers la sorcellerie. De même, les gens de la Sunna ont comme croyance que la sorcellerie est de deux catégories, réelle et illusoire. Réelle, comme le fait de séparer entre l'homme et la femme. Allah Azza wa Jal a dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et sa femme. Sourate Al-Baqara, verset 102. Et la sorcellerie illusoire, Allah Azza wa Jal a dit, ou la sorcellerie illusoire, c'est la sorcellerie que pratiquaient les sorciers de Pharaon. Allah Azza wa Jal a dit, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie sorcellerie. Sourate Taha, verset 66. Il dit également, فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Puis lorsqu'ils eurent jeté leurs bâtons, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Sourate Al-A'raf, verset 116. Les causes qui mènent à avoir recours à la sorcellerie sont nombreuses. Nous pouvons citer de manière résumée, premièrement, la faiblesse de foi, le tawhid, le manque de sincérité ou de certitude à Fouan. Deuxièmement, la haine et la répulsion entre les gens. Troisièmement, la jalousie, qui est aussi une des plus grandes causes qui mènent à avoir recours à la sorcellerie. Quatrièmement, la vengeance, l'ignorance de la dangerosité de la sorcellerie. L'ignorance de la législation islamique. Sixièmement, l'amour de l'argent et de ce bas monde. La personne est prête à tout pour avoir de l'argent. Septièmement, l'orgueil, la célébrité, aimer être au-dessus des gens. Et d'autres causes qui poussent à tomber dans cet annulatif de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Mais en général, toutes ces causes reviennent au manque de tawhid et de foi. Parmi les causes qui permettent de se protéger de la sorcellerie, elles sont nombreuses également. Nous pouvons citer de manière résumée, premièrement, le fait de s'habituer aux évocations religieuses, aux évocations rapportées dans la sunna, de les réciter avec un cœur présent. Parmi ces invocations et ces évocations, il y a la récitation de Ayatul Kursi, la sourate Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, fait de lire les deux derniers versets de Sourate Al-Baqara, de dire le soir « A'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq » « Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé, contre le mal afwan qu'il a créé. » Ce hadith a été rapporté par Abi Huraira. De dire également « Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim » au nom d'Allah par lequel rien ne peut nuire sur terre et dans le ciel, et il est celui qui entend et sait tout. Hadith rapporté par Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Dire également, lorsqu'on voit une personne éprouvée par la sorcellerie ou autre, Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Louange à Allah qui m'a préservé de ce par quoi il t'a éprouvé et m'a grandement favorisé par rapport à beaucoup de ses créatures. Il y a également le fait de lire le Coran à la maison et de ne pas faire de la maison des cimetières, comme il est rapporté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières, car certes, Shaytan s'enfuit de la maison dans laquelle la sourate Al-Baqara est récitée. » Dire également la basmala ou bismillah en entrant à la maison et lors du repas, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la personne entre chez lui et dit bismillah, et lorsqu'il mange, il dit bismillah, alors le shaytan dit à ses compagnons « Vous n'avez pas d'endroit et vous n'avez pas de repas ». Et lorsque la personne ne dit pas cela, ne dit pas bismillah lorsqu'il rentre chez lui ou lors du repas, alors le shaytan dit à ses compagnons, vous avez un lieu pour vous reposer et vous avez un repas. Parmi les plus grandes causes pour se préserver de la sorcellerie, il y a le fait de s'éloigner des péchés, de l'écoute de la musique et autres. Et pour finir, nous pouvons citer certaines causes qui dissipent la sorcellerie et qui guérissent avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, il y a le fait de se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal. Invoquer Allah, être sincère dans ses invocations, avoir un cœur présent lors de ses invocations. Deuxièmement, parfaire ses adorations, s'éloigner des désobéissances. Troisièmement, pratiquer la ruqya, légiférer. Et parmi celles-ci, il y a la lecture de Sourate al-Fatiha, comme ceci est rapporté dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Il y a également la récitation des deux protectrices, Al-Falaq et Al-Nas. Il y a également la récitation de Ayatul Kursi. Il y a également la récitation de la vocation Allahumma Rabban Nas, Adhhib al-Ba's, Washfi anta al-Shafi, La shifa'a illa shifa'uk, Shifa'an la yughadiru saqama. Ô Allah, Seigneur des hommes, éloigne ce mal et guéris, car tu es le guérisseur, point de guérison si ce n'est la tienne, sans laisser aucune trace de maladie. La personne peut dire aussi ce qui a été rapporté dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Djibril est venu me voir et m'a dit, si j'avais mal, m'a demandé si j'avais mal. J'ai dit oui. Il a alors dit à ce moment, Bismillahi arqik, min kulli shay'in yu'dhik, min sharri kulli nafsin wa aynin hasid, Bismillahi arqik, wallahu yashfik. Au nom d'Allah, je conjure tout ce qui peut te nuire, tous les maux issus des mauvaises âmes et du mauvais œil des jaloux. Au nom d'Allah, je conjure tout mal, qu'Allah te guérisse. Et avec toutes ces causes légiférées, la personne doit faire preuve de patience, espérer la récompense d'Allah à travers l'épreuve qu'il traverse. Il ne lui est pas permis de vouloir se guérir ou guérir la sorcellerie par de la sorcellerie. Et ceci à l'unanimité des savants de la Sunna. Nous voyons à travers cet annulatif la gravité de la sorcellerie, qui est du shirk, car la personne travaille avec les diables, attache son cœur au diable dans l'accomplissement de certaines choses. La personne se rapproche des shayatines, des diables, à travers des adorations et des ordres que les diables lui ordonnent. Et tout ceci est de la mécréance et égarement. Voici le septième annulatif qui fait sortir la personne de l'islam vers la mécréance et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de la sorcellerie sous toutes ses formes. Fanaktafi bihadha al-qadr. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala. Fanas'alullah Azza wa Jal an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته